Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Eh bien, bonjour à toutes et tous, chers auditeurs de Fadjet et hola les amis du groupe local de Nancy. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lise. Bonjour Lise. Bonjour. Et bien, une amie de longue date, on va dire, ça te va? Oui. Oui, on peut dire ça. Disons que tu as identifié le groupe local de Nancy il y a quelques années de ça. Et en fait, si je t'ai invité pour cette émission, et celle qui suivra en juillet prochain d'ailleurs, on va essayer de faire deux émissions sur le même thème, où il sera question de l'engagement, un mot chargé, qu'on pourrait presque considérer venant du langage militaire, hein, parce qu'on parle beaucoup d'engagement sur les panneaux, là, engagez-vous, ça fait peur, mais bon, ça c'est autre chose. Alors l'engagement avec toi Lise, du premier jour je dirais, parce qu'on a une petite expérience commune. Je ne sais pas si c'est toi qui vas la relater ou si je continue sur ce terrain. Tu peux lancer. Bon, ok. Mais nous est arrivé avec quelques militants associatifs de se questionner sur, alors ça a démarré quand et comment notre engagement, petit schtroumpf que nous sommes tous avec nos petits bras, l'engagement peut venir à l'adolescence, à la post-adolescence, à 50 ans passés, je ne sais pas. Mais disons, il y avait aussi la notion entre militant, bénévole, enfin il y a des nuances dans tout ça. Hein. Mais en tout cas, ce qu'on a questionné, c'est, alors c'est arrivé comment, cette prise de conscience, on va dire, pour une cause ou pour une autre. Et puis avec toi, Alice, ce qui est sympa, c'est que tu as identifié un hashtag Oxfam au dos d'une carte postale. Alors ça m'a bien fait plaisir. Et je dis, oh là là, il faut qu'on continue à causer avec Alice, c'est pas possible ça. Et c'est là que tu as relaté sur cette carte postale un événement que tu as vécu à Londres il y a quelques années déjà. Oui, ça fait il y a 20 ans déjà. Bon. Et c'est vrai que c'était cette carte postale, en fait, c'était pour moi aussi un moyen de remettre en souvenir le démarrage, je dirais, d'une implication bénévole auprès d'associations. Et notamment dans la veine du commerce équitable. Ah, tu étais déjà un peu beaucoup impliqué dans... Non, pas du tout. Pas du tout à ce moment-là. Non, vraiment pas du tout. Autant mes parents étaient bénévoles dans des associations de parents, profs. Ils nous mettaient des associations du village pour faire des activités sportives. Mais je pense que j'avais pas compris, j'avais pas cherché non plus à comprendre quel était l'intérêt en fait de s'engager. Et c'était vraiment, pour moi, c'était en 2006. 2006, oui. Ouais, quand j'étais à Londres. Et de façon, je dirais, complètement fortuite. Bon. En fait, c'est souvent, je pense, le cas. Là, pour le coup, je me suis entraînée par des copines. Au départ, moi, on m'avait vendu un concert de Razorlight, donc qui était le groupe phénomène à l'époque, un groupe anglais. Et donc, ils étaient en concert à Trafalgar Square, une des grandes places de Londres. Et en fait, quand on est arrivé, il y avait des sortes de ballons gonflés à l'hélium, il y avait plein de drapeaux. Grosse déco, il y avait des stands tout autour et je me suis dit, bah, tiens, c'est ok, en fait, c'est un festival, pourquoi pas. Et c'était en fait un grand rassemblement climatique. Wow, déjà. Qui s'appelait I Count. I Count, je ne peux pas. Je ne veux pas. Je compte. Ah, je compte. Okay. I count, ouais. Et ça avait rassemblé à l'époque plus de 25 000 personnes, quoi. Wow. Alors, je pense quand même que voir le chanteur de Razorlight dans son petit collant, dans sa petite combinaison blanche, bouger sur la scène, ça a pu bouger des foules. Mais je ne savais pas, c'est qu'à l'époque, lui, il était déjà engagé pour la cause climatique, tout comme la chanteuse Cathy Stanton. Ok. Donc, voilà, moi, j'y allais pour un concert et j'ai découvert une cause. La cause climatique, et dans cette déambulation sur les stands, il y avait Oxfam. Ah voilà, mais ça tu me l'apprends aujourd'hui, je savais. Donc il fallait garder un peu l'effet surprise. Ok. Et puis je dirais c'est tout. Ok. Et en fait, quelques mois plus tard, parce que moi j'étais en Angleterre pour faire des études et j'avais des petits boulots hein, pour me faire un peu d'argent de poche, et notamment j'étais ce qu'on appelle une jeune fille au pair, mais... Bon, avec le statut là, mais en gros, j'accompagnais un adolescent qui pouvait déclencher des crises d'épilepsie et il fallait être là pour intervenir en cas de nécessité. Et en fait, pour les Anglais, il faut savoir que au niveau de l'école, ils imposent des heures de bénévolat. Ah, ça c'est... C'est différent des stages. Hein. Les élèves doivent faire des heures de bénévolat auprès d'associations. Ils choisissent l'association qu'ils veulent. Et, c'est dans le cursus scolaire. Ouais, dans le cursus scolaire au moment du collège, quoi. D'accord. Et donc, il se trouve que lui avait choisi une association qui était tout près du domicile. Et je te donne en mille quelle association il avait choisi. Oxfam. Oxfam. Parce qu'il y avait une boutique Oxfam au pied de l'immeuble, peut-être aussi. C'était dans le quartier, de là où on était. On habitait dans le nord de Londres. Et par contre, quand je l'ai accompagné la première fois, je me suis dit, il y a un problème, c'est pas du tout les gens de Oxfam que j'ai rencontrés au concert l'année dernière. Il y a un truc qui colle pas. Ouais. Parce qu'en fait, lui, c'était la branche charity. Charity Shop, enfin bon, ouais. Ils sont beaucoup branchés là-dessus. Ouais. Et en fait, quand je suis revenue en France, donc 2 ans après, j'ai découvert que finalement, Oxfam, c'était l'équivalent français d'un Emmaüs plus d'un artisan du monde. Eh ben, belle définition, franchement. Voilà. Ouais, tout à fait. Et donc moi, les personnes que j'avais rencontrées à Trafalgar Square, c'était la branche commerce équitable. D'accord. Et donc, j'ai commencé à accompagner le gamin pendant ses heures de bénévolat, ce qui me permettait en fait de discuter avec des bénévoles pour comprendre un peu mieux Oxfam. Alors, je comprends mieux et je peux t'apporter quelques éléments de réponse. Vas-y. Parce que dans la Confédération des Oxfam, avant Oxfam France, il y a Oxfam Belgique. Oui. Et Oxfam Belgique, stratégiquement, a ouvert deux champs d'activité. Le plaidoyer... D'ailleurs, très proche d'Amnesty. Quand on va en Belgique, quand on tombe sur une boutique Oxfam, j'en ai vu une à Dinan, le long de la Meuse, effectivement, il y avait un calico Amnesty dans la vitrine Oxfam. Donc, on n'est pas sectaire, on travaille en réseau, c'est une. Et puis, deux, les Belges ont initié, et ça les titillait depuis un petit moment, de lancer des produits estampillés Oxfam avec le logo Oxfam. Et on peut en trouver même aux artisans du monde à Nancy, ou pas loin d'ici, à la boutique de Vététique, des bars avec au sésame, tout à fait. Du café, bon, quelque chose. Mais bon, en France, donc ils s'adressent à la plateforme de vente de produits Oxfam Belgique. Et c'est le marqueur de la filiée Oxfam Belgique qui a lancé ça. Et les Anglais se sont appropriés aussi. Tout comme les Anglais se sont appropriés, et toute la confédération, du fameux Trywalker. Qui était inventé par Oxfam Hong Kong. Tu vois, comme quoi, les bonnes idées venant de la Confédération s'agglomèrent et puis ça fait bouger un peu tout le monde. Voilà. Eh bien, je comprends mieux tout ça. Merci, Lise, de ces explications. Et puis, évidemment, tu es parti directement sur ces explications et en t'invitant, il y avait aussi cette nuance France-Angleterre. Parce que je considère encore que ce sont les deux plus anciennes démocraties au monde, mais avec des comportements, avec des façons de faire très différentes pour faire vivre la démocratie. Mmh. Et là, actuellement, c'est un sacré débat, puisque on sent que les démocraties sont attaquées de toutes parts, et avec les montées des droites, etc. On est bien, il faut se resserrer les rangs pour dire non, pas possible de voir ce qui se passe. Et bon, il faudrait X émissions, mais là, pour aujourd'hui, c'est très sympa déjà, c'est entré en matière. Comment pourrait-on rebondir après cette introduction? Eh bien, effectivement, Yoni, on va le présenter, ce sera l'objet de la prochaine émission. Lui, c'est un jeune talentueux qui a 20 ans, ou juste tout, et qui fait partie de cette génération qui vient. Et ce sera très intéressant aussi de voir ton propos et celui de Yoni la prochaine émission. Bon, on va passer à un de tes premiers choix musicaux, par exemple. Et tu peux présenter, parce que là, pour moi, Razorlight, tu sais, je suis... C'est un groupe anglais. un groupe anglais fantastique. Ouais, là-dessus, je ne vis que... objective, hein, mais... Je ne vois que Coldplay, hein, comme ça, les anglais. Ouais. Le chanteur, c'est Johnny Borrell. Okay. Un peu la tête d'affiche. Et à l'époque, ils avaient... à l'époque, donc en 2006, ils avaient quand même deux titres qui tournaient en permanence sur les radios, sur les chaînes musicales. Donc, c'était America et In the Morning, qui était leur nouveau tube. Bon. Et j'aimais beaucoup parce qu'on retrouvait vraiment ce côté très flegmatique anglais, avec vraiment ces sons assez typiques. Okay. Et donc, là, j'ai choisi America.

des sortes de grandes loteries qui sont organisées pour récolter des fonds, pour acheter des jouets, pour aider les enfants qui sont malades dans les hôpitaux. Ouais, ça, ils sont très bons dans les charity shops, tous ces... Ouais, on retrouve un peu quelque part ça ici en France, mais ils en font quelque chose de médiatique et ils en font un challenge. On doit battre le record de l'année dernière. Ouais, ouais. Tu vois, il y a vraiment cette culture. Les Américains font ça très bien aussi. Ouais. Et donc, il y a toujours un peu cette effervescence-là. Et je dirais que, bon, je me suis intéressée à Oxfam. J'ai regardé un peu plus, tu vois, j'ai fait quelques heures avec eux, mais finalement, c'est quand... parce que bon, j'y allais quand même pour des études, donc j'avais un objectif assez, assez précis, quoi. Et c'est quand je suis revenue en France, où je me suis dit, bah tiens, comme je rentrais en cours d'année, je ne pouvais pas réintégrer l'université française. Donc j'avais... je suis rentrée quoi, en mars, donc tu vois, il ne me restait pas grand-chose avant de redémarrer, en fait... l'année scolaire d'après. Donc, je me suis dit, bah, tiens, comme j'ai du temps, je vais regarder pour aller voir Oxfam. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Et parce que c'était vraiment le côté commerce équitable. Et si tu veux, le discours et l'échange qu'on avait eu à Trafalgar Square m'avait vraiment séduite. Par contre, je dis juste que voilà. Donc, de fait, j'ai cherché Oxfam en France et je n'ai pas trouvé. Mais oui. En l'Est. Et on n'était pas assez visible, le groupe local, alors que c'est depuis 2006, mais c'était juste Ce qui était plutôt affiché en termes de commerce équitable ici en France, c'était le réseau artisan du monde. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai pris cette porte-là pour rejoindre la branche commerce équitable, mais on s'est retrouvés quelques années plus tard, quand je suis devenue la représentante de l'antenne locale d'artisan du monde dans les Vosges, au sein du Colécosol. Colécosol, c'est comme ça que tu es identifiée dans ma base, Lise Colécosol. Voilà. Voilà. Il faut que j'enlève ça maintenant. Eh oui. Et en tout cas, je voulais aussi revenir sur un élément, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ils ont le don d'organiser des gros événements médiatiques, tu vois. Et là-bas, en Angleterre, j'avais d'abord découvert la cause du changement climatique. L'impact aussi que ça allait avoir déjà il y a 20 ans. Ouais. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que les politiques s'en étaient saisies, si tu veux. Parce que, donc, en 2006, il y a ce fameux gros concert en novembre. Mmh. Et puis, genre, je crois que c'est à peu près 6 mois après, en 2007, t'as le maire de Londres, en partenariat avec d'autres associations, qui dit « on va donner un signal au monde entier pour qu'il y ait un impact, pour vraiment sensibiliser à cette cause de, sur le, la ce danger, ce danger qui vient. Oui. » Ouais. Et en fait, ils ont organisé, c'était un événement, ça s'appelait « Lights Out London ». Et en fait, ils ont coupé les lampes dans les rues, sur certains monuments, pour faire en sorte que la ville de Londres soit éteinte. Waouh, ouais, c'est fort. Tu vois, symboliquement, ça donne aussi quelque chose. Et en fait, il y avait le politique qui était aux côtés d'eux. Ok, ils avaient réussi à embarquer un maire. En tout cas, Londres. Ouais. Et la ville de Londres, elle a quand même... Dans la symbolique, oui. Ouais, voilà. Ouais. C'est, donc, par contre, quand je suis rentrée en France, donc, je me suis engagée sur le commerce équitable parce qu'il y avait ce respect dans les valeurs du commerce équitable, aussi bien de l'humain que de la nature. Et ça me semblait juste d'avoir le respect des deux à la fois. Ouais, ouais. Mais par contre, j'ai pas retrouvé, si tu veux, en tout cas à l'échelle locale, pas tant, je dirais, l'implication des politiques aussi forte que ce que j'avais pu ressentir à Londres. Donc, c'est... ça, tu vois, c'était un peu un décalage par rapport à. C'est sûr, on peut rêver que Paris, ville lumière, s'éteigne. C'est pour faire le miroir par rapport à Londres, 20 ans plus tard. Ouais. Bon, bah écoute, vraiment, merci de ces précisions. Et actuellement, ton parcours donc, de Colécosol, commerce équitable, c'est début d'engagement. Après, la vie avance, on avance dans la vie et tu vas vers des... C'est quoi ensuite? C'est l'amitié qui fédère les groupes, qui ont des gens que tu apprécies, de travailler ensemble, de faire des choses ensemble. Moi, je dirais c'est la communauté, parce qu'en fait, je suis rentrée donc, dans une petite structure à Épinal, dans les Vosges, et ça faisait comme une sorte de famille. C'était rigolo parce qu'il y avait beaucoup de femmes. Je disais toujours, c'est mon club de mamie. Okay. Mais qui était très dynamique, avec lesquelles on pouvait avoir des échanges, même des débats, tu vois, d'opinions ouais. politiques, de valeurs, etc. Mais c'était toujours dans le respect de l'autre. C'était vraiment génial. C'était un local pour le commerce équitable. Ouais, un local pour le commerce équitable. On donc peut là, discuter, bien sûr, en attendant le client, entre guillemets. Ou le... Ben oui, et en même temps, ben, un peu comme Oxfam, c'est-à-dire qu'il y a la partie vente, mais il y a aussi toute la partie animation, plaidoyer et réseau, sensibilisation ouais, à l'éducation. Sûr, ouais. Donc, j'ai fait des interventions dans les écoles primaires, dans des ouais, crèches, enfin voilà. Ouais, ouais. Et donc, ben, forcément, entre guillemets, enfin forcément non, mais comme t'es jeune, au début, on va te dire, ah bah tiens, nous, on gère pas trop la com, toi, t'as l'air de te débrouiller dans les réseaux sociaux, tu voudrais pas que... donc ça a commencé un peu comme ça, et puis c'est surtout aussi en fonction des appétences. Mmh. Et elles ont vu que l'animation me plaisait, donc j'ai testé ça aussi. Mmh. Et je suis devenue représentante donc, de l'antenne locale au sein de ce fameux collectif qui était à l'époque Lorrain, d'accord. qui est ensuite passé Grande Région, où j'ai Grand fini Est, donc, oui. vice-présidente. Avec nos amis François, etc. Avec les copains François et puis les copains alsaciens. Eh oui. Voilà. Et puis en fait aujourd'hui ces valeurs, je dirais d'équité et de respect de l'écologie, mais au sens large du terme, eh ben je les incarne aujourd'hui dans le projet de la batelière coopérative funéraire. Eh oui. Mais oui, c'est là aussi qu'on s'est retrouvés. Oui. Alors, tu peux nous parler un peu. On est en dehors d'Oxfam là, mais c'est pas grave, au contraire. Mais pour moi, en fait, Oxfam est toujours vivant parce que, si tu veux, c'est les mêmes valeurs qui sont portées. Mmh. Toute ta vie, tu fais attention à ton engagement. Ouais. T'essaies de prendre soin des humains. T'essaies de prendre soin de la nature. De toi-même. De toi-même. c'est vrai aussi, il ne faut pas s'oublier là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, tu t'engages, il y a une forme de militantisme. T'essaies de porter haut des valeurs. Et qu'est-ce qui ferait qu'à un moment donné, à la fin de ta vie, ça s'arrête, ça ? Mais oui. Et donc, c'est pour ça que je dis que Oxfam et les valeurs du commerce équitable sont toujours présentes, même, mais elles ont changé de forme, en fait. Mm-hmm. Mais l'engagement est toujours là. Donc, la batelière, parce que là, c'est vraiment excellent hein, pour avoir bénéficié, entre guillemets, mais bon, ça, c'est à Jarville, une présentation que tu connais bien, quelques mots. Oui, bien sûr, volontiers. Donc, c'est une entreprise de pompes funèbres. Mmh. Qui a la particularité d'avoir une forme juridique qui s'appelle coopérative d'intérêt général. Donc, ça veut dire que c'est des citoyens qui sont propriétaires d'une entreprise. Et tu vois, on retrouve ça aussi ouais. parce que dans les formes de commerce équitable, bien souvent, c'est souvent des coopératives. Ouais, c'est vrai. Et puis, on défend trois grandes valeurs. Donc, la première, c'est l'écologie. Mais comme je dis toujours, on s'occupe d'abord des humains et après, on va faire des bisous et des câlins aux arbres. Mmh. On est d'abord en lien avec des humains. Mmh. Donc, c'est une écologie globale qu'on essaye de faire vivre au sein de ce projet-là. De cette entreprise. Il y a la valeur citoyenne. Et on retrouve ces valeurs du commerce équitable où on va expliquer ce qui est obligatoire de ce qui n'est pas. Ce qui fait que le prix sera juste parce que la personne derrière, elle comprendra et elle dira « Ok, moi j'ai envie de faire ça, je veux m'impliquer dans telle tâche, donc ça veut dire que derrière, j'ai pas besoin que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place. Mmh. » Et le fait de dire ce qui est obligatoire ou non, eh ben, le choix est éclairé, en fait. Ouais. On laisse la place aux familles de retrouver, si elles en ont envie, la place pour les funérailles, de l'organisation des funérailles, ce qui ouais. va les aider, elles, dans leur processus de deuil. Ouais. Et là, on rebascule sur l'aspect écologique parce qu'on sait que c'est l'étape numéro un pour le processus du deuil. Mmh. Si les funérailles sont manquées, on sape ouais. le processus de ces personnes-là. Donc, ça veut dire qu'on ouais. sape, pour les vivants, mm-hmm. une partie de leur charge émotionnelle, de leur joie et de leur avenir. Quoi. Ça me fait penser à l'expression « on rajoute des clous au cercueil ». Actuellement, j'entends ça sur certains médias par rapport au climat, justement, puisque les mesures restent toujours là, tellement en deçà de ce qu'on souhaite. Eh bien, écoute, je crois qu'on est presque au bout de cette interview. Merci beaucoup, Lise. Je t'en prie, je finis juste quand même par dire le dernier point. C'est que je t'avais dit qu'il y avait trois valeurs, l'écologie, oui. la citoyenneté, et le troisième, c'est la solidarité. Pardon. Et facilement, tu feras le lien avec donc les valeurs que porte Oxfam, bien sûr. Bien sûr. Merci encore. À bientôt, merci. Je pense. Ouais. À bientôt.